qu'est-ce qui t'a trompé et détourné de ton Seigneur, le Clément, celui qui t'a créé, uniformisé, puis ajusté à l'image qu'il a voulu? Et il a aussi dit, Azza wa Jalla, dans son noble livre, « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ » Nous avons certes créé l'être humain de la meilleure conception qu'il puisse être, puis nous l'avons ramené au plus bas des niveaux, excepté ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres. À eux donc une récompense qui ne s'interrompra jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exposé à son serviteur, en l'honorant à travers sa propre création, qu'il l'a créé d'une parfaite conception. Allah azza wa jalla a dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Nous avons certes créé l'être humain d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte déposée dans un reposoir ferme, l'utérus, puis nous fîmes de la goutte une adhérence, puis nous fîmes de l'adhérence une chose mâchée, l'embryon, puis nous fîmes de la chose mâchée un ossement, puis nous revêtîmes l'ossement de chair, puis nous le transformâmes en une toute autre création. Alors exaltez Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des créateurs. Ainsi, après avoir évoqué les différentes étapes de la création de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses propres éloges, qu'il était le meilleur des créateurs, prouvant qu'Allah azza wa jalla a créé l'être humain d'une conception parfaite. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من تين. Celui qui a parfait toutes choses dans leur création et qui a créé l'être humain à partir d'argile. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement exposé qu'il a honoré l'être humain, et ceci sur différents aspects. Parmi eux, le fait qu'il lui a assujetti l'ensemble de ceux qui se trouvent sur cette terre. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. C'est lui qui a assujetti pour vous tout ce qui se trouve sur cette terre, puis s'est établi sur son trône au-dessus du ciel, qu'il a ensuite ordonné en sept cieux, et il est savant de toutes choses. Ainsi, tout ce qui se trouve dans cet univers a été assujetti à l'homme en signe d'honorabilité envers lui. Que celui-ci soit pieux ou pervers, ou qu'il soit musulman ou mécréant, il a été honoré d'une honorabilité générale. Mais cet honneur ne lui sera véritablement profitable que s'il concrétise la chose pour laquelle il lui a été fait honneur, évoqué dans sa parole subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhannas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être attendrez-vous la piété. C'est lui qui a fait pour vous de la terre un reposoir et du ciel un toit, et qui a fait tomber du ciel la pluie, par laquelle il a fait surgir toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Tout ceci pour ensuite dire « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Ne donnez donc point d'associé à Allah, alors que vous savez, celui qui vous a conçu, renforcé puis honoré à travers toutes ses faveurs, c'est lui qui vous a demandé, vous a ordonné et imposé de l'unifier dans sa seigneurie. Donc ne donnez point d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que vous savez qu'il n'a pas de semblable. Allah subhanahu wa ta'ala a donc honoré l'être humain de façon générale et détaillée. Il a dit subhanahu wa ta'ala, ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Ne voyez-vous donc pas qu'Allah a assujetti pour vous tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, et vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés? Tout cela est pour toi, ô l'être humain, un témoignage de considération de la part de ton Seigneur, en te comblant de ses bienfaits, apparents et cachés, ainsi que de sa grâce, subhanahu wa ta'ala. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous tentiez de recenser les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. L'être humain est certainement très injuste et très ingrat. Tous ces égards et bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré, tout ceci afin que tu fasses preuve de reconnaissance envers lui subhanahu wa ta'ala, et que tu ne sois pas ingrat. Et sache que tes remerciements qui lui sont destinés ne lui sont en rien profitables, de même que ton ingratitude envers lui ne lui est en rien nuisible, mais c'est plutôt par miséricorde de sa part qu'Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala a honoré et favorisé l'homme parmi tant d'autres de ses créatures. Il lui a ainsi assujetti les animaux et le bétail. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. De vous en retirer des vêtements qui vous réchauffent, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Vous trouvez en eux de la beauté lorsque vous les ramenez le soir et lorsque vous les lâchez le matin dans les pâturages. Et ils portent vos bagages vers des contrées que vous n'auriez atteint sans leur aide qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et il a créé les chevaux, les mulets et les ânes comme montures pour vous, ainsi que pour l'apparat. Et il crée bien autre chose encore, dont vous n'avez pas connaissance. Il n'appartient à Allah que de montrer le droit chemin à qui il veut, car il en est qui s'en détourne. Or s'il voulait, il vous guiderait tous. Et tous ses bienfaits, il en a parmi les gens qui y répondent avec ingratitude et dénigrement. Mais si Allah le voulait, il les aurait certes tous guidés et aurait été tous reconnaissants. Or cette affaire n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans son noble livre exposant les choses avec lesquelles il les a honorés: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et parmi les bestiaux, certains ont été créés pour le transport et d'autres pour diverses utilités. Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué comme subsistance et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Et il en a créé parmi les bestiaux 8 en couple, 2 pour les ovins et 2 pour les caprins. Dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdit ou les deux femelles, ou bien ce qui est dans le ventre des deux femelles? Informez-moi donc de cela si vous êtes véridique. Et aussi 2 pour les camélidés et 2 pour les bovins. Dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdit ou les deux femelles, ou bien ce qui est dans le ventre des deux femelles? Étiez-vous témoin quand Allah vous enjoignit à tout ceci? Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but d'égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Toutes ces choses sont des grâces et un témoignage de considération de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers l'être humain. Il est donc obligatoire pour l'homme de répondre à ses bienfaits et de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant et en le remerciant. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum min al-jibal aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Et Allah a fait pour vous, à partir de ce qu'il a créé, des ombres, et il a aussi fait pour vous, à partir des montagnes, des abris, et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements qui vous protègent de votre propre violence, les cuirasses et les armures. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait, afin que peut-être vous vous soumettrez. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ensuite le dénigrent. Ceci est un blâme fait à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et qui a ensuite répondu à ce grand honneur qui lui a été fait par l'absence de reconnaissance et de gratitude. Ceci est une réprimande adressée à l'être humain qui, en réponse aux égards que lui a fait le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala, apparent ou caché, auquel il répond par l'absence de remerciement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. دي Louange à Allah et que la paix soit sur le serviteur qu'il a élu. Est-ce qu'Allah est meilleur ou bien ceux qui lui associent? Et qui donc a créé les cieux et la terre, et a fait descendre du ciel pour vous une eau par laquelle nous avons fait pousser des jardins luxuriants, dont vous n'étiez nullement capable d'en faire pousser leur arbre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. Et qui donc a établi la terre comme lieu de séjour, et a fait couler des rivières à travers elle, et lui a assigné des montagnes fermes, et a établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Qui donc a accompli tout ceci? Est-ce que quelqu'un est-il capable de faire tout cela? Il n'y a personne, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, qui en est capable. Et il a dit subhanahu wa ta'ala après cela: Amma yujibu al-muttarra idha da'ahu, wa yakshifu as-su'a, wa yaj'alukum khulafa al-ardi, a ilahun ma'allah, qalilan ma tadhakkarun. Amma yahdikum fi dhulumati al-barri wal-bahri, wa man yursilu al-riyaha bushra bayna yaday rahmati, a ilahun ma'allah, ta'ala Allahu amma yushrikun. Et qui donc répond angoissé quand il l'invoque, et qui dissipe le mal, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Rares sont cependant ceux qui s'en rappellent. Et qui donc vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents annonciateurs de sa miséricorde? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est bien au-dessus de ce qui lui associe. Toutes ces choses sont des grâces de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, afin de leur faire à travers elles le rappel, et en leur commandant de le remercier et de répondre à ses bienfaits et à ses faveurs en l'adorant subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Et ne donnez point à Allah de semblables alors que vous savez. Et il a mis à leur disposition les abeilles ainsi que les oiseaux en signe d'honorabilité de sa part. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa awha rabbuka ila an-nahli an اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرجون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et ton Seigneur révéla et commanda aux abeilles: prenez les montagnes comme demeure, et aussi les arbres, ainsi que les treillages que les hommes fabriquent, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur qu'il vous a rendu facile. Il en sort de leur ventre une liqueur aux couleurs variées, le miel, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment en cela une preuve pour les gens qui réfléchissent. De même qu'il leur a soumis les mers ainsi que les rivières. Allah الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. C'est Allah qui a mis à vos services les mers afin que voguent à travers elles les bateaux par sa volonté, et que vous partiez en quête de ses faveurs et à la recherche de subsistance, et afin que vous soyez reconnaissants envers lui. Et il a dit سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait sortir divers fruits comme subsistance pour vous, et qui a mis à votre disposition les bateaux pour qu'ils voguent sur la mer par sa volonté, et il a soumis à votre service les rivières, et il a assujetti pour vous le soleil et la lune en perpétuel mouvement, et il vous a assujetti la nuit et le jour, et il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous tentiez de recenser les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très ingrat, très injuste. Il a dit subhanahu wa ta'ala: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dit: voyez-vous si votre eau se trouvera au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Il leur a ainsi assujetti l'ensemble de ce qui se trouve sur la terre. Tout cela dans le but de concrétiser son adoration et qu'il le remercie. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et quiconque remercie Allah, cela n'est certes que dans son propre intérêt. Et quiconque fait preuve d'ingratitude envers lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala se suffit certainement à lui-même, et il est généreux. Et il a mis à leur disposition l'argent ainsi que les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Et Allah a créé à partir de vous-même vos épouses, et il a créé à partir de vos épouses des enfants ainsi que des petits-enfants, et il vous a attribué comme subsistance de bonnes choses. Est-ce au faux qu'il croit et les bienfaits d'Allah qu'il dénigre? ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il aura assujetti des bienfaits indénombrables et impossibles à cerner. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Qui est plus dur à créer, vous ou le ciel? Il l'a construit, élevé sa voûte, puis l'a ordonné, assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue, fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées au sol. Tout ceci pour votre propre jouissance, ainsi que celle de vos bestiaux. Tout ce monde est ce qu'il contient, comme arbre, rivière, pierre, mer, tout cela pour votre propre jouissance, ainsi que celle de vos bestiaux. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, هذا عظم فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Et cette eau douce qui vous est potable et l'eau de mer salée, et de ces deux-là vous en retirez de la chair fraîche que vous mangez ainsi que des parures que vous portez, et tu vois les bateaux voguer dessus afin que vous partiez en quête de ses faveurs et à la recherche de subsistance, et afin que vous soyez peut-être reconnaissant envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, exposant ses bienfaits sur cette communauté, les êtres humains, Alam naj'al al-ardha mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. N'avons-nous pas fait de la terre un reposoir plat et des montagnes des piquets, et ne vous avons-nous pas créé en couple et fait de votre sommeil un repos, fait de la nuit pour vous un vêtement, et assigné le jour pour vos affaires mondaines, et construit au-dessus de vous sept cieux renforcés, et y avons placé une lampe très ardente, le soleil, et fait descendre des nuages, une eau abondante par laquelle nous faisons pousser des grains et des plantes, ainsi que des jardins luxuriants. Tout ceci soumis gracieusement à cet être humain. Ainsi, certains parmi eux en sont reconnaissants, et d'autres ingrats. Donc celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, après toutes ces faveurs qui lui ont été faites, est considéré comme un ingrat. Parfaitement, celui qui n'adore pas Allah Azza wa Jalla, ni ne l'unifie dans son unicité, est un ingrat qui ne reconnaît que peu la bienfaisance dont il a été sujet. Pire encore, il n'a pas le sens de la gratification, et il ne sait pas reconnaître le bienfait, ni ne blâme l'interdit. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Il s'est renfrogné et il s'est détourné lorsque l'aveugle est venu à lui. Et qui te dit, peut-être cherchait-il à se purifier? Ou voulait-il entendre le rappel, afin qu'il lui soit profitable? Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance par sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre, alors qu'il ne t'importe pas qu'il ne se purifie. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, et en étant craintif, tu ne t'en soucies pas. N'agis donc plus de la sorte. Vraiment, ceci est un rappel. Quiconque le souhaite, qu'il s'en rappelle donc. Ce rappel, consigné dans des feuilles honorées, élevées, purifiées, entre les mains d'ambassadeurs nobles et obéissants, les anges, que périsse l'être humain par son ingratitude. De quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a-t-il créé? D'une simple goutte, il le crée. Puis il détermine son destin. Puis il lui facilite son cheminement. Puis il lui donne la mort et l'assigne dans sa tombe. Puis, lorsqu'il le voudra, il le ressuscitera. Eh bien non, l'être humain n'accomplit pas ce qu'Allah lui commande d'accomplir. Ceci est un blâme adressé à l'homme. فلينظر الإنسان إلى تعامي أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Que l'homme prête attention à sa nourriture. C'est certainement nous qui versons l'eau avec abondance, puis fendons la terre par fissures et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages. Tout ceci pour votre propre jouissance ainsi que celle de vos bestiaux. Tout ceci pour leur propre jouissance ainsi que celle de leurs bestiaux qui eux-mêmes ont aussi été mis à leur disposition afin qu'ils en tirent profit. Ainsi, tout ce qui est présent en ce monde a été assujetti comme jouissance pour l'être humain, en signe d'honorabilité envers lui. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. » C'est lui qui a assujetti pour vous tout ce qui se trouve sur cette terre, puis s'est établi sur son trône, au-dessus du ciel, qu'il a ensuite ordonné en sept cieux, et il est savant de toutes choses. Il a créé pour son serviteur ce monde, et il a mis à sa disposition tout ce qui s'y trouve. Et parmi les gens, il y en a qui répondent à ce bien par des remerciements et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tandis que d'autres y répondent par l'ingratitude et sa désobéissance et la rébellion, ainsi que l'éloignement de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wa al-afiya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم est son serviteur et messager. Ceci étant dit, aussi parmi les égards qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, a fait à cet être humain misérable, il y a le fait qu'il lui a permis de distinguer le vrai du faux, la guider de l'égarement et le bon sens de la déroute. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ » Afin que sur preuve périsse celui qui doit périr, et que sur preuve survive celui qui doit survivre, et certes Allah est audient et omniscient. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à un peuple sans livre, les Arabes, un messager des leurs, qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre, le Coran, et la sagesse, la sunna, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé en leur sein un messager des leurs qu'il leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Tout ceci sont des grâces et des faveurs. يا أيها الناس قد جاءكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, et une guidée ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. Dis, ceci est par la grâce d'Allah et sa miséricorde, voilà de quoi ils doivent se réjouir, car cela est bien mieux que tout ce qu'ils amassent dans ce bas monde. Toutes ces choses sont des faveurs de la part d'Allah. Ô toi l'être humain, sache qu'Allah Azza wa Jalla t'a honoré, que tu sois riche ou pauvre, petit ou grand, ou que tu sois un homme ou une femme, qu'importe l'état ou la situation dans laquelle tu te trouves, sache qu'Allah Azza wa Jalla te fait honneur et qu'il t'est donc obligatoire d'observer strictement les commandements qu'il t'a ordonné d'accomplir. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être attendrez-vous la piété. C'est lui qui a fait pour vous de la terre un reposoir et du ciel un toit et qui a fait tomber du ciel la pluie par laquelle il a ensuite fait surgir toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Ne donnez donc point d'associer Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Il a envoyé à l'humanité les messagers et fait descendre les livres afin que les gens, après la venue de ces derniers, n'aient point d'argument à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il leur a clairement exposé son ordre. وَمَنْ يُشَرِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager sallallahu alayhi wa sallam après que le droit chemin lui soit apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné, puis le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Et il leur a ainsi exposé son ordre, subhanahu wa ta'ala, de façon manifeste et suffisante. Et il ne les a pas délaissés en vain. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَهُ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera en vain sans obligation à observer? N'était-il pas auparavant une goutte de sperme éjaculée, puis une adhérence à partir de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a ensuite créé et formé harmonieusement, puis de cela il en a fait deux éléments de couple, l'homme et la femme? Tout ceci est un témoignage de respect envers toi. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Un messager vous est certes venu de parmi vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, dit: Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Et il n'y a rien dans cet univers sans que l'être humain ne puisse en tirer profit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela soit matière à réflexion ou à contemplation, ou que cela concerne la nourriture ou la boisson, ou que cela concerne la construction ou toute autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dénombré, comme il a dit azza wa jalla: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui se trouve dans l'ensemble des cieux et de la terre. Qu'il s'agisse du délaissement d'un acte interdit, il en sera alors récompensé. Ou que cela concerne le suivi et l'accomplissement d'une bonne œuvre, d'une vérité ou d'une guidée, il en sera alors récompensé. Il y a bel et bien en tout cela des profits pour l'être humain. Ô toi l'être humain, ô toi le musulman, crains Allah, voue cette vie et consacre-la pour la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Il a dit azza wa jalla: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دي Venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien dans son adoration. Soyez bienfaisants envers vos parents. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est Allah qui pourvoit vos besoins ainsi qu'aux leurs. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez pas les gens qu'Allah a interdit de tuer, excepté en toute justice. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Peut-être comprendrez-vous. Et n'approchez des biens de l'orphelin que de façon convenable, jusqu'à ce qu'ils deviennent pubères et responsables, et mesurés et pesés en toute équité. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et lorsque vous parlez, soyez juste, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche parent, et remplissez vos engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et ceci est mon droit chemin. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous a enjoint. Peut-être atteindrez-vous la piété. Nas'alullah at-tawfiqa lima yuhibbu wa yardah.